D'après le journal d'internet sud-coréen Tongnews, la direction de Séoul du comité sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin s'est mise en mouvement de 10 000 citadins de Séoul pour l'interruption de la disposition de SAD, la paix et la réunification. Le 22, la place Gwanghwamun a abrité une conférence de presse en la matière.